Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Eh bien, on se retrouve pour une nouvelle lecture érotique de Charlie, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Alors aujourd'hui, on est juste avant Noël, je pourrais avoir choisi un texte qui parle d'un Noël coquin, d'une mère Noël vicieuse. Eh bien, pas du tout, je pars complètement aux antipodes, puisque je vais vous lire un extrait d'une grande nouvelle qui s'appelle « Fenêtre sur couple », qui a été écrite par Guillaume Perrotte et que j'ai trouvé dans un livre qui en fait regroupe cette nouvelle et un roman qui s'appelle Le bracelet électronique, les deux œuvres étant regroupées sous le titre Voyeurisme noir. C'est publié et édité par les éditions Dominique Leroy, donc en format numérique. Et alors, on n'est pas du tout dans une ambiance Noël coquin, vraiment pas, puisque Guillaume Perrotte, c'est un auteur de thriller érotique sombre, de romans noirs érotiques. On est vraiment dans les vicissitudes de l'âme humaine, et là plus particulièrement dans ces deux livres, dans les vicissitudes de la jalousie, et c'est terrible comme il décortique ça. Chaque livre est écrit à la première personne par le narrateur, et on plonge directement dans la tronche de cette femme pour Fenêtre sur couple, et de cet homme pour le bracelet électronique, qui sont bouffés et dévorés par la jalousie. Et c'est extrêmement bien écrit, je trouve. C'est assez juste, c'est tillé, quoi. Donc voilà, une ambiance embardée un peu sombre, mais un texte que vraiment j'aime beaucoup. Et bien du coup, je m'empresse de vous lire un extrait. Alors Guillaume Perrotte, vous pouvez retrouver toute son actualité sur les réseaux sociaux. Il est sur Facebook et il est également sur Twitter. Et pour vous offrir son livre, c'est sur le site des éditions Dominique Leroy, donc dominiqueleroy.fr, ou alors sur Amazon, vous tapez « Voyeurisme noir » et vous le trouvez. De toute manière, je vous mettrai tous les liens sur l'article qui présente la lecture, comme à chaque fois. Allez, c'est parti, stop le blabla et place à la lecture. Alors, ça vient tout juste de commencer la nouvelle. Et en gros, Marianne, qui est une femme d'une 40 ans à peu près, vient de découvrir son ex-mari Loïc, qui habite en face, en train d'embrasser sa nouvelle compagne, qui a 20 ans de moins qu'elle. Et en fait, elle l'a vu en regardant par la lunette optique super puissante que Loïc a offert à leur fils. Voilà, donc elle vient de voir le baiser langoureux et fougueux, et ça, elle est pas bien, elle est à la limite du malaise, donc elle se barre de la chambre où elle observait à la lunette télescopique, et ben la suite tout de suite maintenant, c'est parti, Fenêtre sur couple de Guillaume Perrotte aux éditions Dominique Leroy. Je passe de l'eau fraîche sur mon visage brûlant, comme pour purifier mon âme marquée au fer rouge. Comme pour effacer de mon esprit incendié toute trace de mon traumatisme visuel et cérébral. Je sens un poids terrible peser sur les épaules, me trouve brusquement vieille, alors que je n'ai que 40 ans. Jambes qui tremblent, cœur qui palpite dans mes tempes enflammées. Dans ma conscience toujours sous tension, Loïc embrasse la bouche de ma remplaçante avec une fougue croissante. Un authentique baiser de cinéma. Hein, bien trop cinématographique cette étreinte. Je me demande si je n'ai pas inventé cette séquence, si je n'ai pas été victime d'une vision, d'une hallucination provoquée par l'un des effets secondaires de l'anxiolytique, qui aurait également déclenché mes nausées matinales. Possible, fort possible. Cette perspective calme mes pulsations cardiaques, remet mon estomac en place. Je vérifie si l'anxiolytique me déclenche réellement de troubles visions érotiques ou si j'ai véritablement vu Loïc embrasser ma remplaçante par le biais de la longue vue de mon fils. Je parcours la notice, lis le paragraphe concernant les effets secondaires. Les visions érotiques n'en font pas partie. Je retourne dans la chambre de mon fils, m'approche de cet appareil optique censé observer de très près les oiseaux dans les arbres, depuis le pylône en bois sur lequel Loïc a l'habitude de tirer sur les tourterelles, et accessoirement, observer de très très près les gens derrière leurs fenêtres. Le dernier cadeau de son père, cette lunette. un achat de qualité, une longue vue terrestre à Eden Optique TA-139 avec zoom grossissant 20x60, muni d'un objectif de 60 mm, plus un sac à dos spécial. La puissance d'un télescope alliant la mobilité d'une paire de jumelles. Tout devient si proche que l'on a l'impression de pouvoir tendre la main et de toucher soit un joli oiseau, soit une bonne paire de fesses. Idéal pour les amateurs d'observations animalières ou les amateurs de tout poil. Voilà que je me projette de nouveau 200 mètres plus loin. Je me retrouve visuellement dans le salon de l'ex, comme si je me trouvais téléporté au centre de cette pièce encore à peine meublée, à peine habitée. Mon intrusion dans son espace personnel a l'air si réelle que je refoule un mouvement de recul. Loïc pourrait légitimement m'accuser d'attentat à la pudeur s'il me surprenait en train d'espionner son intimité. Mais de quelle manière pourrait-il me surprendre en train de l'observer, si ce n'est en m'espionnant lui-même depuis son appartement par le biais d'une longue vue ? Toujours est-il que je ne vois plus mon ex embrasser ma remplaçante dans le cadre de sa visée. Je surprends bien pire. Loïc baisant ma doublure. C'est moins Loïc que je reconnais dans cette vision volée, il me tourne le dos, que le visage de ma remplaçante en pleine jouissance. Visage que j'aperçois par intermittence, comme s'il était à 10 cm du mien. Le masque de son plaisir semble moulé sur le mien, mais pas mon visage d'aujourd'hui, non. Mon visage d'antan, celui d'il y a 20 ans au moins. L'ex semble avoir également rajeuni de 2 décennies entre ses jambes. Sa puissance rénale est animale. Je peux presque sentir les fluves mixés de leur rute matutinale, presque toucher, palper, malaxer leurs chairs attisées, au point que je suis à 2 doigts de les déboîter l'un de l'autre. Quant à leur râle conjoint, il me résonne dans les tympans, et je m'imagine logiquement prise par lui. Des lustres que je n'ai pas eu l'impression de vibrer aussi fort sous ces assauts bestiaux, que je n'ai pas eu la sensation d'autant griffer ses fesses avec mes ongles longs, que je n'ai pas eu autant le sentiment d'enserrer ses reins creusés de mes jambes fuselées, que mes orteils n'ont pas été autant tétanisés par son magnétisme masculin, que mon bas-ventre n'a pas été aussi creusé par son organe pénien, que je n'ai pas eu autant envie de chialer dans la jouissance. Hein ? Divine virtualité. Au final, c'est ma douleur de femme abandonnée que je hurle dans la chambre de mon fils, parti au collège. Leur orgasme, à la fois si présent et lointain, m'explose aux oreilles, à la façon d'un bâton de dynamite dans une bouffée de soufre. Mes sens vitaux éclatent. Je suis momentanément sourde et aveugle. Petite mort cérébrale. Je titube jusqu'à la cuisine, comme si Loïc venait de me faire l'amour, ou plutôt de me baiser, avec fougue. Lui, nous, qui n'avons jamais été du matin ni vos câlins, ni même du soir d'ailleurs, ni encore moins de l'après-midi. Sauf quand nous avons dû concevoir Damien, là nous sommes devenus des stacanovistes du coït. J'ai besoin d'un calmant. Une seconde dose de mon médoc contre la dépression fera l'affaire, puisque je sais maintenant qu'il n'est pas la cause secondaire de mes visions érotiques. J'opte finalement pour un remontant, un bon ballon de médoc. Une grande première à 9h du matin. Le vin me fait du bien, relativise ma détresse, atténue ma panique plus vite qu'un anxiolytique, m'aide à faire le point, à remonter la bande vidéo de ma mémoire visuelle. Flashback. Une fois Damien en route pour le collège, je gagne sa chambre. Mon but, mettre un peu d'ordre sur son bureau. Je pense aussi au plat cuisiné que je dois photographier pour un magazine culinaire haut de gamme, quand, par pur réflexe professionnel, je me retrouve à coller l'œil au viseur de cette lunette fixée sur trépied, lunette qui ressemble tant aux appareils photo munis de téléobjectifs que j'utilise tous les jours. Longue vue braqué comme une provocation devant la porte-fenêtre qui ouvre sur l'horizon et au moyen de laquelle j'entre par effraction dans l'intimité de l'appartement que l'ex vient enfin de trouver et de louer au 8e et dernier étage de l'immeuble moderne, situé à environ 200 mètres de mon propre appartement, qui est également situé au 8e étage et qui donne droit sur ces 3 baies vitrées, une pour chaque pièce principale, salon plus 2 chambres. 3 pièces louées par Loïc, afin de rester en étroit contact avec Damien. L'ex, que je surprends avec la longue vue de mon fils, ancien mari, jadis si peu exubérant, que je découvre pourtant en pleine effusion. Ex-mari mesuré que je distingue, sous un nouvel angle, en train d'embrasser goulûment ma remplaçante, 20 fois plus excitante. Je me serre un autre coup de médoc. La chaleur qu'il dilue dans mon cœur se propage tout au fond de mon ventre asséché depuis des mois, voire des années. Mon cortex rediffuse au ralenti la séquence entre l'ex et ma doublure. Une exhortation trouble m'envahit. Mon esprit, soudain désinhibé par l'alcool, me livre des images inédites de leur sauvage union physique. Je constate combien Loïc trique pour cette jeune femme, combien ses bourses sont comprimées par le désir qu'elle lui inspire, combien les veines de sa verge sont gonflées, combien il est congestionné en coulissant crânement dans le minou étroit de ma remplaçante. Minou que j'ai eu jadis aussi étroit et tonique qu'elle, avant Damien, avant qu'il se transforme en chatte au fil du temps qui passe. Ce fichu temps qui relâche et avachit tout sur son maudit passage. Avant que ce foutu temps ne dilate ma vulve, plus définitivement qu'un ramonage permanent effectué par le plus membré des amants. Je découvre également que la poitrine de ma remplaçante est plus ferme que la mienne, que ses mamelons sont plus tendus, que ses lèvres vaginales sont moins fripées, que ses jambes sont plus fines, que son ventre est plus plat, que ses fesses sont plus rondes, que ses cuisses sont moins flasques, que les lèvres de sa bouche sont plus pulpeuses, que sa peau est plus éclatante, que ses dents sont plus blanches, que ses cheveux sont plus soyeux, que ses yeux sont plus brillants, que ses mains sont moins ridées, que ses pieds sont plus fins. Gorgée de vin. Voilà, c'était un extrait de Fenêtre sur couple de Guillaume Perrotte. Donc vous voyez, quand je vous parlais d'une ambiance roman noir, et on est vraiment plongé en plein dans le monologue intérieur de cette femme qui surprend son ex en train de baiser avec sa nouvelle compagne de 20 ans plus jeune, et ça ne va aller qu'en s'aggravant. Alors évidemment, elle pourra arrêter de regarder, mais elle ne peut pas. Alors jusqu'où ça va aller? Et bien pour le savoir, je vous invite à lire cette nouvelle qui se lit mais très très vite, et dans le livre Voyeurisme noir, donc de Guillaume Perrotte, publié aux éditions Dominique Leroy. Après cette nouvelle, Fenêtre sur couple, vous avez un roman, Le bracelet électronique, dont j'avais fait une lecture il y a un petit bout de temps maintenant, qui parle aussi de jalousie, mais là c'est un homme qui est jaloux d'une ex-compagne, et on monte encore d'un cran dans la folie, je crois. Je sais pas lequel de deux est le plus fou, j'hésite. Eh ben, vous direz, vous choisirez, vous déciderez. Donc pour vous offrir ce livre, c'est soit sur le site dominiqueleroy.fr, soit sur Amazon. De toute manière, je mets tous les liens sur l'article qui présente la lecture du jour. Pour suivre toutes les actualités, découvrir les dernières parutions de l'auteur, Guillaume Perrotte, vous le retrouvez sur Facebook, Guillaume Perrotte 5, je crois, et sur Twitter également. Et bien voilà, la lecture du jour est terminée. Tous les liens sont à retrouver donc sur mon site charlie-liveshow.com. C'est là aussi que vous retrouverez tous les précédents podcasts. Et puis tous les précédents podcasts. Voilà, j'ai fait comme si j'avais encore plein de trucs à dire, mais en fait, je crois que c'était tout ce que j'avais à dire. Eh bien, écoutez, joyeux Noël, hein, joyeux Noël Félix, la bise à tonton, la bise à mémé. Vous pouvez reprendre une activité normale, passer de très, très, très bonnes fêtes, vraiment. Régalez-vous, amusez-vous. Moi, je vous retrouve dans 15 jours. Les lectures érotiques de Charlie font une petite pause. Hein. Moi aussi, je vais manger de la dinde et de la bûche, parce que c'est bon. Donc, eh bien, très très très bonne fin d'année à tout le monde et je vous retrouve avec joie et empressement début janvier. Des bisous, à très très vite. Ciao, ciao, ciao.